qui se sont glissés sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains, ils ont pris le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi, mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faudrait s'y raccrocher. C'est parti. Là, c'est la N989 sur la Terre. Oh, il doit sûrement en avoir plusieurs, hein, des N989. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a, il y a combien d'éoliennes là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein ? Et ici, il y a Timothéo. Timothéo. Bonjour Timothéo. Bonjour. On s'est rejoint sur la N989. Au kilomètre 2,5, au pied de l'éolienne. Et quoi, ça raconte quoi l'éolienne pour toi? Je me suis dit, tiens, c'est quoi, c'est... Ah. On rentre tout de suite un peu dans le vif, hein, mais on a le temps, hein, on va marcher, on va comprendre un peu qu'est-ce qu'on fout là avec toi. Mais l'éolienne, c'est quand même un drôle d'outil, hein, l'éolienne. Ça raconte l'énergie douce, ça fouette les nuages, j'aime bien, comme une espèce de fouet qui bat la crème, là. Il y a vraiment, regarde, il y a vraiment des nuages là, à la hauteur de l'hélice. Tu vois l'hélice qui passe dans le nuage. C'est beau, hein, ça. L'impression qu'il fait de la crème. Puis ça raconte la lenteur, ça raconte le vent. J'aime bien cette énergie-là. Ouais. C'est autre chose que les bagnoles qui foncent. Hein. Je suis un piéton, moi. Un homme lent. Bon. Allez, on marche. On y va. Et c'est quoi alors, qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre? Eh bien, j'ai vu passer un monsieur qui décidait de marcher 900 km jusque... C'est pas Rémi la Gaillarde. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Comment? Jusque Nonard, exactement. C'est un tout petit village à côté de Brive-la-Gaillarde. Et c'est là qu'habitent mes petits-enfants. Je suis grand-père maintenant, depuis 7 ans. Et ils ont leur anniversaire fin du mois d'octobre. Et je ne sais pas pourquoi, il m'a pris l'idée, moi qui habite à Wassège, à côté d'Aiguezé, en Belgique, de me dire que j'irais bien leur porter leur cadeau d'anniversaire, mais à pied. Du coup, je prends août, septembre et octobre pour marcher 900 km, avec un petit cadeau au fond de mon sac. Voilà, c'est ça la première idée. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi? Comment? C'est quoi cette histoire? C'est un grand acte d'amour. Mes petits-enfants, il n'y a rien de plus important que mes petits-enfants dans le monde. Comme chacun. Et puis, comme mon boulot dans la vie, c'est... Mon boulot, façon de parler, oui, mon état, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je suis poète, du coup, j'écris. Et j'écris non seulement mon carnet, mais j'écris aussi un long poème de 900 km. J'ai décidé d'écrire ça, et c'est ça qui passe un peu sur les réseaux sociaux pour le moment. C'est des petits morceaux de ce long poème de 900 km que j'écris sur des feuilles d'étiquette. Et chaque jour, je colle une étiquette, un petit format A5, sur un poteau, sur un panneau, sur une porte ou un endroit comme ça. Je le prends en photo et ça fera un très long poème qui parle un peu de l'état du monde actuellement. Voilà. L'état du monde actuellement, c'est chaud. Il y a des choses à dire. Hein. Ouais. Et quoi, comment on devient poète alors? C'est quoi, c'est quoi cette histoire? Je ne sais pas comment on devient poète, j'en sais rien. C'est quoi être poète, aujourd'hui, là, en 2021? Ah, j'adore cette question. Je ne sais pas ce que c'est être poète. Je ne vais pas le définir, mais je trouve que, en tout cas... Dans le monde d'aujourd'hui qui est hyper technocrate et qui pense à l'argent et à la vitesse et où tu dois réussir et tu dois être performant, j'ai plutôt envie de prendre le chemin inverse, d'aller lentement, de rencontrer des gens, de parler d'amour, de parler de ce qui nous entoure, de l'univers, de choses comme ça et surtout de refuser cette... on fonce vers le mur, on le sait quand même ça, non ? Il y a quand même pas mal de gens qui le disent. Attention les gars, il y a un mur ! Ben, il y en a à la moitié qui continuent à s'en foutre et qui continuent à avoir des voitures qui vont très vite et à penser à investissement et productivité. Il y a un mur là, il y a un mur. Et je crois qu'un acte de résistance en tout cas, c'est de dire allez, on est poète, on met l'imagination à la place de la machine et on essaye de penser à un nouveau monde et de sortir de ça. C'est un acte de résistance aujourd'hui. Hein. La poésie ? Ouais. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et alors, non seulement j'écris de la poésie parce que j'aime bien ça et que voilà, je me suis rendu compte à un moment que c'est quelque chose qui me plaisait bien et qui touchait. Bon, j'ai réussi à publier quelques livres maintenant. Mais je suis un peu insatisfait aussi du système actuel de la poésie. Parce que même la poésie se fait bouffer par le capitalisme. La poésie se lit uniquement dans les livres de poésie que l'on trouve dans le rayon poésie des librairies spécialisées poésie. Et qui va les lire ? Ben, les poètes, c'est tout. Putain, c'est dommage. C'est une source essentielle de la beauté. C'est une source essentielle de l'émerveillement. Relisez Aragon aujourd'hui, relisez Victor Hugo, quoi. C'est des gens extraordinaires qui ont dit des choses géniales et qui peuvent vous aider à vivre. Donc, j'ai ajouté à mon désir d'être édité, parce que finalement le désir est toujours là et je suis content, j'ai édité quelques livres, mais j'ai ajouté à ça le fait de faire des petits autocollants avec de la poésie. Regarde, il y a une alouette qui s'envole. Ouais. Yep, voilà. Parce qu'on n'entend pas, on n'entend pas nos pieds dans le gravier parce que c'est du macadam. Ouais, voilà. C'est quoi cette route en fait ? Tu sais toi ? Je crois que c'est une piste pour les vélos. Ravel ? Oui, un truc comme ça, un Ravel. Du coup, ouais, on marche entre les... Tu sais ça ? C'est ça, quoi, c'est comme... C'est la betterave. La betterave et de l'autre côté... la patate. La patate. Mais il y a de la camomille aussi, qui n'est pas cultivée, mais c'est de la camomille. Ouais, c'est vrai. Si on se sent un peu trop nerveux, on peut boire un coup... On verse de l'eau bouillante sur le bord de la route et hop. Et donc je disais, la poésie n'est pas que dans les livres et j'ai commencé par faire des petits autocollants que je colle dans toutes les villes où je passe avec un petit poème, tout très court, souvent une petite phrase du style attends, faudra dire de mémoire. Qu'est-ce que ah, attends, peut-être j'en ai avec moi, je vais sortir de ma poche. Ah oui. La mémoire est un plat qui se mange je ne sais plus. Ou bien, changez-moi cet inconnu, il en faut du nouveau. Ou bien, ne serions-nous pas nés pour vivre cet instant précis ? Ou encore, tous les plafonds sont à repeindre couleur de chair et les gratte-ciels couleur de poils. Et celui-ci qui dit « D'après Google, vous êtes ici », j'en suis à peu près à 5000 exemplaires collés un peu partout où je suis passé. C'est une manière de dénoncer ce système de surveillance. « D'après Google, vous êtes ici », c'est le plus célèbre de mes autocollants. Il y en a partout, il y en a à Ouagadougou. Parce que j'enfile aux copains qui vont les coller partout. Donc j'ai fait voilà des autocollants, j'ai fait des affiches, et puis j'ai fait des banderoles, et puis... Je continue à coller de la poésie dans la rue pour que la poésie puisse toucher un public plus large que simplement ceux dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que la poésie peut changer le monde, la poésie change le monde. Ça dépend quelle poésie aussi, quelque part, non ? Ça dépend sûrement quelle poésie, ça dépend quel monde. Là, le monde dans lequel on est, il domine et il écrase tout, quoi. Hein, on est d'accord là-dessus D'accord. Donc j'espère pouvoir changer le monde. J'espère au moins, la première chose que j'espère faire, c'est donner conscience, faire sourire et dire aux gens « Hey les gars, vous marchez dans un caca, là, attention. Ouais, » Tu marches aussi des fois dans le caca. Hein. Mais bien sûr, mais je fais partie du système. Mais oui, parce que tu... Tu dis souvent le « nous ». Oui, moi, je préfère le « nous » que le « vous », tu vois. Non, mais c'est vrai, parce que si on dit « vous », ça a un peu donneur de leçons, comme ça. Non, mais bien sûr. Je veux dire, on n'est pas en dehors du truc, hein, on est dedans. On est dans la merde, tu vois, tous. Comment faire ? Ah oui, c'est clair. J'ai écrit un petit poème dans un de mes livres, là. C'est une réflexion comme ça. C'est quoi ? Attends, comment ça va ? Je veux changer le monde... comme un nageur voudrait changer la direction d'un paquebot, me dit-il. Donc t'imagines, c'est un type qui nage dans la mer pour changer la direction d'un paquebot. C'est immense comme image. La question est, est-ce que je nage dans la mer ou dans la piscine du bateau ? Ah ouais. Voilà, alors après... En effet, c'est pour dire que... On n'est pas tout seul, quoi. C'est pas, on se prend pas pour Superman en changeant ça. Ça veut dire quoi, changer le monde aujourd'hui ? Ça veut dire simplement, si tu réveilles quelqu'un, bah déjà tu changes le monde. Après, c'est le monde d'une personne sur 8 milliards, d'accord, mais si déjà tu réussis à conscientiser une personne, waouh ! Moi, j'ai l'impression d'avoir changé le monde avec un effet comme ça, bon, voilà. Après, c'est bien, tiens, ça m'amène tout de suite à une... Un des buts de cette grande balade, là, ces 3 mois de voyage, le poème que j'écris sur les étiquettes et qui s'allonge de jour en jour, là, j'ai écrit une petite dizaine d'épisodes de ce long poème. C'est un poème qui parle d'Emmanuel Faber. Emmanuel Faber était le directeur de Danone pendant 4 ou 5 ans. Et ce type, je le crois convaincu, maintenant je ne connais pas toute l'histoire, mais je le crois convaincu. Et il a donné le même salaire aux hommes et aux femmes. Il a vraiment mis en avant le bio. Il a changé les emballages de ses produits. Et il a ouvert des usines dans des endroits, vraiment en croyant, lui, en étant convaincu, qu'il va faire partie de la transition. Alors évidemment, il se fait des ennemis du côté des capitalistes. Parce que c'est un type qui est en train de virer gauchiste, et il se fait des ennemis du côté gauchiste, parce que de toute façon, on est convaincu que c'est un sale capitaliste. Donc le gars est dans la plus mauvaise position du monde. Mais après 4 ans d'avoir dirigé Danone, et d'avoir dit « je veux changer le monde » de cette place-là, qui est quand même la place la plus costaude du monde, quoi, eh ben il s'est fait foutre dehors. Eh ben c'est bien. Pas assez d'argent. Tu dis ? Parce qu'il rapportait pas assez d'argent. Ben c'est bien. Est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien. Oui, c'est mais bien. Ça me pose la question, moi, de me dire, qui peut changer le monde ? Moi, en tant que piéton et en collant des petites étiquettes sur les panneaux, les poteaux autour de moi, j'ai l'impression de changer le monde autant que ce type qui a été directeur de Danone pendant 4 ans, qui a changé la manière de voir les emballages, la manière de voir le bio, la manière d'utiliser les produits locaux. Eh bien, je ne sais pas qui peut changer le monde, je ne sais pas où on en est là. Sacré bordel. Mais t'as lu ça où ? T'as eu ces infos d'où, de ce type de Danone, directeur de Danone ? D'abord, c'est une séquence sur RTBF de Hamid Faljaoui qui en parlait. Et puis je me suis intéressé au cas et j'ai été chercher des informations sur Internet. C'est des interviews d'Emmanuel Faber, ce sont des articles qu'il a écrits et qui ont été écrits sur lui, qui font que je sais un peu de quoi il s'agit, quoi. Mais voilà, c'est... Qui peut changer le monde ? Mais tu crois pas qu'il y a plein de gens qui sont dans l'ombre et qui changent le monde à leur manière, et même au quotidien, et même heureusement qu'ils sont là parce que sans eux, ça tournerait pas, tu vois ? Est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qu'on n'entend pas, au fond, et qui changent le monde plutôt que ceux qui sont dans la lumière, médiatisés, qui font le show ? Tu vois, c'est tout ça aussi qui est... intéressant à décortiquer, parce que le directeur de Danone, tout ça, moi, de mon point de vue, c'est de la pub, hein, tu vois. Voilà, est-ce qu'il est convaincu ou pas, c'est une bonne question. Mais oui, je crois de toute façon que chacun peut y mettre du sien et qu'il y a plein de gens qui sont en train de construire un nouveau monde. Ça, c'est magnifique, évidemment. Et je suis beaucoup dans ces milieux-là, de la transition et tout, et c'est magnifique, voilà. On est au pied des éoliennes, là, encore une fois, c'est des choses possibles, les cultivateurs bio, les gens qui font du local, bien entendu, ça change le monde, ça. Je suis une emmerdeuse, parce que quand on parle des éoliennes, tout ça aussi, c'est... Parlons poésie, je crois. Parce que les éoliennes, c'est le nouveau business vert pour changer le monde, mais c'est tout ça, c'est du pipeau. C'est énorme. Je suis en train de lire un bouquin de Jean Ziegler, qui est super intéressant, parce que lui, c'est un financier, mais de gauche complètement, et il réussit à te démonter le système en disant « Voilà, tout est récupéré par le capitalisme. Actuellement, c'est énorme. L'éolienne était géniale au départ et maintenant, en effet, c'est devenu un business qui fait qu'on ne va pas arrêter le nucléaire, mais qu'on va mettre plus d'éoliennes pour avoir plus d'électricité. Arrêtez avec cette croissance de merde, là. C'est quoi, cette histoire ? on pourrait satisfaire de peu quand même. Non, il faut plus. Donc en effet, les éoliennes et le bio et le local va être récupéré par Danone. Et donc on va où là? On continue vers le mur, mais en disant c'est vert et c'est bio, c'est mieux. Mais non, voilà. Mais non, mais toi ici, dans ta marche de 3 mois là, tu vas être sous tous les temps. Ouais. Hein, tu vas prendre le temps. Tu vas... C'est ça aussi, c'est une autre manière de vivre. Bien sûr, ah oui, non, c'est vraiment un choix. Mais imaginons, j'en sais rien, mais que j'en sorte un livre, avec ta poésie là, machin, truc. Imaginons que ce bouquin se vende à 2 millions d'exemplaires. Qu'est-ce que je fais? C'est récupéré par le capitalisme, je fais quoi? Parce qu'il se vend. S'il se vend vraiment à 2 millions d'exemplaires, qu'est-ce que je fais? Je deviens un sale capitaliste ou... Mais non, c'est pas obligé. Je sais pas, c'est des questions que je pose, hein. J'ai pas de réponse. Hein. S'il se vend, comme d'habitude, mes bouquins actuellement se vendent à peu près entre 600 et 1000 exemplaires, je suis très heureux, c'est génial. Je reste dans le marginal, je reste dans la petite production, tout ça. Mais ça dépend ce que tu fais. Jour... Ça dépend ce que tu fais après du pognon, tu peux le voilà. Réinjecter dans, voilà, dans la poésie, justement, qui est complètement en marge. Tu peux. Ah, enfin voilà, je sais pas moi. Sauf qu'il y a un bon exemple, c'est Banksy, tu vois, qui a fait des. Ouais, street art, tout ça. Et qui a réussi à investir de l'argent, lui, parce qu'il a gagné aussi des millions, dans un bateau pour les migrants, dans des, dans des actions qui sont des belles actions pour changer le monde. Ça, c'est un bon exemple, c'est vrai. Mais c'est des questions qui se posent. À partir du moment où ça marche, il faut pouvoir le gérer en gardant cette idée. Ouais, ouais. Ah, mais regarde, on va pouvoir coller le poème du jour, là, au pied de l'éolienne. Génial. Je l'ai préparé. Ah ouais? Tu l'as écrit quand? Ce matin? Ouais. Enfin, je le prépare depuis 3 ou 4 jours, et ce matin, je l'ai mis sur l'étiquette. Hop. Il y a des cailloux, là, attention. Donc, on est au pied de l'éolienne. C'est quand même immense, quoi. C'est dingue. On dirait une scoop spatiale. C'est dingue. Et on entend les pales qui font fratch, fratch, fratch, en coupant le vent en petits morceaux. Tu veux qu'on se mette derrière pour le vent? On entend mieux. Alors, je décolle le verso de mon étiquette et je le colle sur l'éolienne. Voilà. Nous sommes au kilomètre 75. C'est le poème du kilomètre 75. C'est quoi là, ça, le kilomètre 75? Ça veut dire quoi, les kilomètres que tu fais? Donc oui, c'est ça, les kilomètres que j'ai parcourus. Le premier poème a été collé au kilomètre zéro. Et puis, voilà, l'un après l'autre, j'ai fait tous mes poèmes. Je crois que c'est le 8e, celui-ci. Et on vient de raconter une fable dans les poèmes précédents. Donc celui-ci dit... Cette fable est idiote, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire. Tous les plants en discutent. Toutes les plantes sont bavardes. Les plages le déplorent. Les pelants s'y attardent. Les pelures en pleurent dru, les planètes en parlent encore, et chaque pluie appuie la chute. La terre est morte, oui, et le soleil ne va pas bien. C'est plutôt un poème triste. Ah, ça va pas être gay, hein. Ils sont comme ça, tous tes poèmes? Non, ou... ils sont pas tous... Pardon, ils sont pas tous comme ça, c'est... C'est des poèmes qui disent quand même l'état du monde, quoi. On en parle un peu quand même de l'état du monde, donc... Attends, je prends la photo aussi, comme ça, moi, je me souviens du poème que j'ai écrit. Clic. Voilà. Et puis non, c'est sûr, ce sont des poèmes qui parlent de l'état du monde et qui parlent de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc, tout en gardant un petit sourire pour dire... allez, on garde l'espoir. C'est-à-dire que... Beaucoup de poèmes, dans le milieu de la poésie que je fréquente maintenant de plus en plus, beaucoup de poèmes te disent « Oh, c'est très joli, les fleurs !» Eh bien, j'en ai marre d'entendre ça. J'ai envie qu'on dise après une autre phrase, que ça fasse « Oh, c'est joli, les fleurs !» Mais fais gaffe, connard, tu vas marcher dessus. Ça aussi, c'est le rôle du poète. C'est pas seulement « Oh, c'est joli, les fleurs !» Le poète doit être là aussi pour dire « Ouh là là, les gars, ça va pas trop bien, là, il est temps de changer. » Et voilà, c'est ce que je m'efforce de faire dans ma poésie, dans mes textes. Attention. Fais gaffe, tu vas marcher dessus. Allez, la poésie pour changer le monde. Ouais, on a un levier pour changer le monde. Ouais. Parce que là, il y a beaucoup de vent. On n'entend plus rien. Voilà, on est en été, hein, on est en mois d'août 2021 là. Et on a un temps où il pleut, il fait soleil, il y a les inondations aussi, t'as appris ça? Je suis passé le long de la Lesse, là, hier soir, je dormais à côté de Dinan. Pas à Bouvigne? Non, c'était non. À côté de Dinan, Dinan a été abîmé par les inondations, maintenant ils ont tout redressé et tout nettoyé pour que les touristes puissent revenir. Mais le camping qui était à côté, où j'ai été dormir cette nuit, était vraiment en mauvais état. Hein. Oh là là, les caravanes résidentielles qui ont été emportées, la laisse avait vraiment monté très sérieusement. Quoi, t'as discuté un peu avec les gens, du coup? Oui, bien sûr, j'ai discuté un peu avec eux. Il y en a qui ont tout perdu, il y en a qui ont perdu leur lieu de vacances, c'est pas très grave, mais il y avait des habitants des fois aussi. Et ça, c'est des cas vraiment très difficiles. Les gens qui sont résidents en caravane, le long de l'Ourthe, il y en a aussi toute une série. Le long de l'Ourthe et de l'Amblève, dans ce coin-là, il y a beaucoup de gens qui sont un peu paumés, qui n'ont pas beaucoup de pognon, qui donc ont décidé de s'installer dans leur caravane depuis quelques années. Et bien, quand l'inondation est venue, tout a disparu, c'est tout. Tu n'as plus de maison, tu n'as plus d'habitation. Ça, c'était un cas terrible, je trouve. Et quoi, quel est le plan qui a été mis en place pour les aider? Tu as vu ça ou... Je ne sais pas exactement. Je sais que les assurances doivent pouvoir assurer du côté où l'État n'a pas assez de pognon, mais l'État a quand même un plan des grandes calamités qui doit pouvoir intervenir aussi. Donc je ne sais pas très bien, ça dépend au cas par cas, à mon avis. Mais là, en l'occurrence, quand tu discutais avec les gens, ça va, ils étaient il y avait de l'aide, tu voyais qu'il y avait solidarité. Oui, il y a surtout une très belle solidarité entre les gens et les communes. La plupart des communes ont très bien réagi. Je suis passé à Houillet aussi... il y a 15 jours, là c'était pas sur la marche, mais je suis passé à Houillet à cette occasion-là. Et là j'ai vu que la commune avait bien organisé les choses. La salle des fêtes était devenue une salle solidarité avec des dons qui venaient d'un grand magasin, d'un supermarché, des dons qui venaient de chez Terre, avec des vêtements, avec de quoi rééquiper un petit peu sa maison pour ceux qui ont perdu leur cuisinière ou leur chauffage en machine à laver. Des occasions, mais c'est un peu pour récupérer tout ça. Donc la solidarité existait très bien. Là, il y a beaucoup de gens qui travaillaient pour aider les voisins. Ça, c'était fabuleux à voir. Et alors, en tant que poète, de nouveau, je ne savais pas très bien quoi faire pour les supporter. Et j'étais marqué en grand sur le Ravel, une espèce de message d'espoir poétique qui dit « La rivière après la crue rendra la terre fertile ». Et je me rends compte que c'est quand même juste qu'en effet... 15 jours après, déjà, beaucoup de choses se reconstruisent en mieux que les gens, finalement, une fois passé la catastrophe, se disent c'est l'occasion de changer ceci, de changer cela, de changer... Ben voilà. Ouais, mais c'est un peu dur, ce que tu dis pour les gens qui n'ont pas la capacité de s'en remettre, quoi. Oui, tu vois? Je suis d'accord. Tout le monde ne peut pas s'en remettre aussi bien. Bien sûr, bien sûr. Et là, au loin, on voit une cheminée de centrale nucléaire. Oh, chouette! C'est chaud, C-H-O-O-Z, chose, centrale nucléaire française à côté de la frontière belge. Les Français ont le chic pour poser des centrales nucléaires le long des frontières, comme ça. Ça pète chez les voisins, pas chez eux. Et quoi, alors ce serait quoi comme énergie idéale pour un poète? Alors déjà, je crois sérieusement à la décroissance. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir chacun 3 aspirateurs, 2 bagnoles, 50 rasoirs électriques. On se calme. Et donc un maximum d'énergie musculaire, marcher, faire du vélo, pas trop de lumière électrique à tout péter, éteindre toutes les enseignes lumineuses qui sont là la nuit seulement pour faire de la publicité. Il y a moyen de sérieusement une décroissance, quoi. Et à ce moment-là, qu'on se satisfasse des énergies vertes pour satisfaire nos besoins, limiter. Ouais, une vie beaucoup plus simple. C'est l'idéal après, hein. C'est des idéaux, hein, tout ça. Je ne sais pas si je suis très réaliste. Hein. J'ai pas de prétentieux, je suis pas ingénieur. Mais moi, je crois pas qu'il faut être ingénieur. Hein. C'est justement les ingénieurs qui ont pris possession du monde aussi. Tout ça, ce serait... Mais tiens, moi, j'aime bien parce que toi, toi qui te dis poète, tu vois. Oui. Le monde, depuis qu'il est monde, bon, on n'est pas là depuis le début, hein, mais nos ancêtres, nos frères, nos sœurs, derrière, sûrement, enfin, tu vois, on fait un peu partie de la même famille. Hein. Je sais pas si tu es d'accord avec cette idée. Oui, bien sûr. Je veux dire, tu vois, tu as cette idée de modernité, de progressisme, qui est toujours en place depuis plein de temps comme ça. Hein. Genre, on va toujours vers le plus, vers le mieux-être, vers le... C'est pas la même chose. Plus, c'est plus, et mieux, c'est mieux. Mais beaucoup de gens pensent que plus, c'est mieux. Avoir deux voitures, c'est mieux d'en avoir qu'une seule. C'est différent. Plus, c'est quoi? C'est plus, deux voitures, trois voitures, dix voitures, on s'en fout. Mieux, c'est une meilleure voiture. Une meilleure voiture, ça veut dire quoi, une meilleure voiture? Une voiture qui pollue moins, mais pas besoin d'avoir deux bagnoles qui ont chacun six cylindres, c'est mieux que quatre cylindres. Non, plus, c'est mieux, c'est mieux. Mais t'es quand même... un peu à ça. T'es quand même dans le trip de la transition et tout ça, quoi. Moi, pas du tout, hein. Moi, j'y crois pas du tout, tu vois, à tout ça. Je crois que tout ça, c'est du pipeau, que c'est la nouvelle économie demain pour faire marcher la turbine aussi, quoi. Enfin, tu vois. C'est ça qu'il faut éviter, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ça qu'il faut éviter, il faut pas que ce soit récupéré par le capitalisme. Mais ça le sera d'office. Ça le sera d'office, le mur est là et puis c'est tout. Je suis pour l'idée... On fait quoi alors? C'est quoi? Tu dis quoi, alors? On fait quoi? Ben, on fait quoi? On revient à une vie simple, tout simplement. On va peut-être avoir moins de voitures. Il n'y a pas de bonnes voitures. Je ne crois pas qu'il y ait de mieux voitures, comme on parlait. Ça n'existe pas, en fait. Tout ça, c'est du pipeau, quoi. Non? On peut se passer de bagnole, ça, c'est... C'est peut-être... Parce que tu vois, non, c'est la simplicité. De toute façon, moi, je suis d'accord avec toi aussi. Hein. Je vais à pied et j'utilise moins mon téléphone et je fais... Et j'habite des habitats légers, des trucs comme ça qui font que, oui, c'est moins la décroissance, c'est la seule solution, la simplicité volontaire, c'est la seule solution. Mais tu changes, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure tu apportes une solution au monde. Je crois qu'on apporte une solution égoïste avec ça. Vas-y. Il faudrait qu'il y ait plus de monde qui arrive. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'on apporte une solution égoïste avec ça? Parce que l'habitat léger ne concerne que moi. Allez, peut-être mes enfants, peut-être mes voisins. Mais les 8 milliards de personnes qui habitent le monde continuent à penser que c'est mieux une grosse bagnole qu'une petite qu'un vélo. Il y a plein d'endroits dans le monde où il y a pas où ils n'ont pas les moyens d'acheter des bagnoles, quoi. Ils achètent des plus vieilles bagnoles. Il faut voyager un peu pour s'en rendre compte. Mais ils rêvent tous d'aller en Amérique, ils rêvent tous d'venir en Europe. Ça fait partie de ce rêve de richesse. Tout le monde a ce rêve de richesse. Et nous, mais ça, c'est de la propagande et oui, c'est véhiculé dans les médias, dans la télévision, au cinéma. Mais je veux dire, il y a la plupart des gens qui vivent encore des terres, hein, qui travaillent les terres pour manger aussi dans le monde, quoi. Tu vois, après, t'as les grosses industries qui font marcher. Non, moi, je crois. Enfin, quand tu dis que c'est de l'entre-soi, l'habitat léger, tu dis que t'as voyagé, va voir. Enfin, je veux dire, nous, comme on vit, c'est exagéré, quoi. Bien sûr. Les grosses bagnoles, les grosses maisons, c'est pas comme ça partout sur la Terre. C'est pas comme ça partout sur la Terre, mais c'est comme ça qu'ils rêvent de vivre. Je suis sûr. En Albanie, j'étais en Albanie il y a 10-15 ans d'ici, les gens te servent une orangeade, c'est tout ce qu'ils ont à t'offrir à boire, et ils te disent, tu viens de Bruxelles. Mais quand tu dis une orangeade, c'est tout ce qu'ils ont à offrir, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, quoi? Ben, ils n'ont pas de quoi t'offrir un alcool ou une bière, il n'y a pas... Non, c'est une orangeade. Un coca dans une bouteille en plastique, c'était la ministre de la jeunesse, m'a offert une orangeade dans une grande bouteille plastique, c'est tout ce qu'elle pouvait m'offrir à moi. Mais quoi, c'est bien, c'est pas bien? Non, c'est aussi bien, c'est juste pas très riche. Voilà, c'est juste pas très riche. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'alcool? Dans la conversation, non, parce qu'il y avait... Parce qu'ils n'ont pas le choix. C'était la seule bouteille qu'il y avait pour offrir aux invités. Une bouteille d'orangeade dans du plastique. Bah c'est bien. Oui, c'est bien sûr. Moi, je peux l'accepter en disant c'est bien. Mais je continue l'histoire en disant que cette dame a parlé avec moi comme étant « Je suis un Bruxellois. Je viens de Bruxelles. Toutes les décisions européennes sont prises à Bruxelles. Donc Bruxelles est forcément, dans son imagination, pavé d'or. Tout le monde a une grosse voiture. C'est Bruxelles. » la capitale de l'Europe. Un truc extraordinaire, avec des immeubles comme à New York. Mais ça, il a fallu un peu la calmer, parce que c'est leur imagination qui dit ça, et tu dis non, il y a des paumés à Bruxelles aussi, ça existe aussi. Non, dans leur imagination, non. Les paumés sont en Albanie, Bruxelles, la ville la plus riche du monde. Et donc le monde entier rêve comme ça, je me suis rendu compte de ça en fait. Ce n'est qu'un rêve, je ne parle pas de la réalité, je parle de leur rêve. Et ce rêve fait que ces gens-là tirent le plus possible vers la grosse voiture américaine, la télévision, les trois téléphones portables dans chaque famille. C'est ça le rêve qu'ils ont. Et donc c'est très difficile de rattraper ça en disant « moi je préfère vivre dans une roulotte et rouler à vélo ». Mais non, c'est moi je trouve qu'on fait des raccourcis de dingue. Et c'est intéressant d'en discuter et d'un peu approfondir, parce que c'est vrai, aussi on est toujours là à parler en surface des choses, quoi. Moi, je dis pas, on ne dit pas, je crois, que tout le monde doit vivre dans une roulotte. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Mais regarde comment on vit ici, dans les pays riches. Oui, on est dans les pays riches. Bruxelles est une ville riche, quoi. Et la dame d'Albanie, là, c'est toi qui fait parler son imagination, ou bien c'est elle qui t'a dit vous venez de Belgique, Bruxelles, capitale, c'est formidable là-bas. Bah, on a tous des stéréotypes et des préjugés sur des pays, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je ne la critique pas du tout, c'est une dame que j'ai rencontrée avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter. Hein. Mais c'est pour dire que... Moi, ce que je crois, c'est que les gens, ils souhaitent être en paix, avoir de la nourriture... Mais pas forcément, ça dépend. Il faut trouver des philosophes qui n'ont pas envie d'être riches. Hein. Mais arrête. La plupart des gens rêvent d'être riches. Non, je crois que... C'est ça qu'il faut aussi, la migration énorme qui arrive. C'est ce rêve d'être riche un jour. Mais attends, quand t'as 50 balles ici et là-bas, t'as des cacahuètes. Enfin, je veux dire, je comprends que les gens se disent on va faire un business en allant dans les pays riches, parce que là, il y a à manger dans les poubelles, quoi. Tu vois, il y a un gaspillage énorme aussi. Tu comprends? Mais est-ce que c'est de ça qu'on doit discuter? Je ne critique pas ces gens-là, hein, attention. Je les comprends, tout à fait. Je dis simplement que dans le mouvement du monde, ça va être difficile de dire aux gens « on se calme ». Vivez simplement, cultivez votre terre et mangez vos légumes, ça va être difficile de le dire, parce que le rêve est là, et c'est le rêve qui nous tient debout. C'est l'imaginaire qui nous tient debout. Mais c'est pas tous les gens qui pensent cultiver la terre, et je veux dire, il y a les gilets jaunes aussi. Tu dis ? Qu'est-ce qu'ils réclament, les gilets jaunes ? Ils réclamaient, ils ont été en colère parce qu'il y a des taxes. Leur pouvoir d'achat. C'est pas simplement ça, les gilets jaunes, hein. Pas simplement ça, les gilets jaunes, c'est au départ, ils font une colère, ils se rassemblent parce qu'ils en ont marre de te voir toujours payer. Et que pour finir, ils demandent d'être participants à une vie politique sans représentant. Je veux dire, ils ont mis tout en place pour que le système soit plus représentatif. Ça n'a pas fonctionné, quoi, tu vois. Donc, il y a eu le Covid qui est arrivé aussi pour arrêter tout ça. Hein. Ouais, mais c'était ça, déjà un peu arrêté avant. Hein. Oui, peut-être. Peut-être. Et je reconnais vraiment la colère des gilets jaunes, et je reconnais aussi le formidable effet de non-identification aux gilets jaunes. C'est formidable de ne pas dire « il y a tel syndicaliste à la tête ». Non, c'est un vrai mouvement populaire avec plein de noms et plein de... Et ça, je trouve ça formidable, en effet. Mais donc, tu vois, ces gens n'étaient pas tous un retour à la terre ou bobo, je sais pas quoi, moi, tu vois. Non, c'est des gens, ils en ont marre du système et ils veulent le changer, tu vois. Ouais, et ils proposaient un système représentatif autre. Très bien. Je sais plus comment ça s'appelle, le RIC. Je connais pas. Genre, on décide, les citoyens décident, quoi, tu vois, c'est le peuple décide, quoi. Très bien. Et ce n'est pas les représentants politiques qui nous représentent plus, en fait. Non, parce qu'on en est là aussi aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est tout à fait clair aussi. Le système politique représentatif ne fonctionne plus. La particratie ne fonctionne plus. Parce qu'on est forcément d'un parti ou de l'autre, alors qu'on a beaucoup plus d'opinions que les 5 partis principaux. Non, ça, c'est clair. Ça ne fonctionne plus tout. Mais on va vers le mur, on continue à aller vers le mur, c'est comme ça. Si la poésie pouvait changer les choses, ce serait pas mal, non? Bah, de toute façon, on en a besoin, hein. On en a besoin de poésie. Pour. Je ne sais pas si ça change le monde, mais ça fait déjà du bien. Bah, attends, parce qu'il y a des poésies qui Il y a des poésies qui répètent un peu le pouvoir en place aussi. Hein. C'est pas que la poésie, elle serait sublime et différente de tout. La poésie répète des fois le système. Moi, je cherche une poésie peut-être plus brute, peut-être plus différente. Des fois, je la lis et elle me fait « Waouh, ça fait du bien !» Une fenêtre ouverte, tu vois, une fenêtre ouverte sur ce monde bizarre, quoi. Oui, c'est là qu'on veut aller. Mais pas du divertissement. J'ai envie d'ouvrir les yeux des gens, mais pas de les divertir. Le divertir, ça fait partie du vocabulaire capitaliste aussi, pour dire continuez à travailler et puis prenez un petit peu de culture, un petit peu de divertissement, comme ça vous oubliez, comme une aspirine, vous oubliez que vous avez mal et puis on continue. Je ne veux pas être dans le divertissement, je ne peux pas. Il faut qu'il y ait de la conscientisation, il faut qu'il y ait de l'amusement, il faut qu'il y ait de l'humour, mais il faut qu'il y ait aussi de la conscientisation. Regardez le monde dans lequel on vit, il faut qu'il y ait ça. C'est important. Je ne suis pas Walt Disney. Je ne veux pas faire du Walt Disney. Walt Disney dans le divertissement total. Hein. C'est sûr. Ça, c'est vraiment... Nunuche et... Quoi, t'aurais une poésie que tu as écrite, que tu... C'est vraiment celle-là, tu l'aimes bien. Et tu aimes bien la partager. Attends, on va aller jusque-là. Parce que, ouais, on va traverser un peu de la route. Une petite nationale, là. Faire gaffe de pas se faire. C'est moi. C'est moi qui parle. C'est mes appareils. Non, mais. Oui, parce que j'ai mes livres de j'ai des livres de poésie avec moi. Je vais en sortir un. Je vais lire un texte. Bonne idée. On va se mettre là-bas dans le champ. Ah, c'est ton GPS qui parle. Ouais. Voilà, forcément, si tu veux revenir au point de départ. Tais-toi. Ah, c'est pas si intelligent qui parle. Dans 600 mètres, faire demi-tour. Tu rigoles, je vais pas faire demi-tour. Mais tais-toi surtout. Ces éoliennes. Il paraît que les pales, on ne sait pas quoi en foutre. On ne sait pas recycler ça. Ouais. Ça, c'est un bouquin qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Apocapitalypse. C'est Timoteo Sergoï. Voilà. Je ne sais pas qui c'est ce type. Moi non plus, en fait. Hein. Mais quel texte est-ce ? Ah. On a le temps. Hein. Ouais, tu lis que à ton rythme. Avec cette éolienne, c'est bien, là. Regarde. Le ciel est à portée de main. Les phares n'éclairent que le vide. Les néons emplissent le néant. Mais le ciel, lui, rond et plein. Celui de nos enfances. Celui qui, lui, phosphorescent entre nos songes de chair morte et nos chansons adolescentes. Cette plaine de feu, cette montagne d'or, ce champ d'étoiles où tout est vrai puisque tout est poétique, où tout se palpe et se devine, saint, mot, jour, réalité du soir et de nos cœurs, peau, cuisses, vers de Hugo et de Rimbaud, parfum de pommes de raison, tiroir rempli d'humeur et rire d'ivresse dans le grand vin. Ce ciel que tu connais, ne l'as-tu pas partagé à chaque anniversaire ? Ce ciel que t'a donné ta mère en même temps que le sol où tu tombes et la brique où tu te blesses, en même temps que le goût du lait tiède et celui de la morsure. Ce ciel-là exactement, tu peux le toucher à chaque instant, du moment que tu pleures. Du moment que tu pleures, ça veut dire ça. Du moment que tu pleures, du moment que tu ressens des choses. J'ai pas envie d'expliquer. Mais ça doit être ça, oui. Ça doit être ça. Une autre ? Voilà, sur la poésie, celui-là. C'est un rêve que j'ai fait. Un pays en guerre. Un ciel noir d'orage, de nuit et d'assassins anonymes. Les orangers sont en fleurs, mais on ne les voit pas. La nuit a tout avalé, jalouse des lumières. Les enfants dorment dans de grands lits déchirés. On ne voit pas leurs rêves. Les fenêtres des écoles ont volé en éclats. Personne ne les voit. Les théâtres sont vides et le rire creuse le fond des poches. Mais il a disparu. Silencieux, inconnu. La guerre a tout rasé. Les idées, les cheveux, les amours. J'arrive aux portes de la ville. Un homme m'y fait entrer. Il porte une lanterne. Petite, simple, un murmure de lumière. Et il se met à me parler. Peu, tout, une étoile de parole. Dans cette nuit de chaos et de dévastation, cet homme me demande de le suivre. Je suis cet homme. Autour de moi, tout est débris. Les idées, les vases avec les fleurs, les amours. Nous traversons des rues fines, nous nous glissons entre deux murs, longeons des portes closes, passons entre les arbres des parcs aux plaies béantes, près des cinémas éventrés dont on voit les rangées de fauteuils rouges, couleur de sang. Apercevons les cours de récréation, sans cri, les immeubles écroulés, les clochers vidés de l'intérieur, les minarets silencieux et les temples taiseux. Ici ou là, l'homme chuchote quelque chose. Sa lanterne éclaire et me laisse mieux voir un iris qui fleurit, un fruit tombé de l'arbre, une racine qui fouille, toujours vivante. Sa lanterne est ma guide. Sa main devient mon Dieu si je ne veux pas tomber parmi ses détritus, ses idées, ses caillasses, ses amours. De temps en temps, il sort un morceau de charbon et le taille pointu. Puis, sur un bout de mur, un lambeau de fenêtre, ce qui reste d'une famille, de sa maison, de sa chaleur, il écrit quelque chose. Une lettre. Un mot. Un alphabet désordonné qui donne sens à ce chaos. Tout ce qui nous console est en ce noir charbon. Une phrase courte, écrite de la main droite. La main gauche, l'éclair d'une lanterne tremblante. C'est un poème. Ouais, c'est bien là. Hein. Il y a 42 minutes. Oui, encore ? Non, on pas a droit de. À 45. Tu dis ? On a droit à 45. Ben souvent, quand on fait un micro ouvert, des fois, on est dans des discussions, donc on va pas s'arrêter à pile poil. Ben là, on lit, puis on s'arrête, puis tu dis ? On reprend la route. Ouais, on peut se poser, j'en sais rien, moi. Mais on peut boucler toute cette rencontre, mais en marchant aussi. Hein, mais... ben, je regarde sur ma machine si je suis toujours sur la bonne direction. C'est comme une carte routière, mais où est-ce qu'on est ? Hop, je crois que ce chemin-ci, je dois le suivre tout droit pour arriver donc à Air à Gimont. C'est là que je dois être aujourd'hui. Et demain, je passe la frontière française. Vas-y, Doudou, dis-moi. On y est. Hop. Voilà. Oui, c'est juste, on est toujours en face. Voilà, et alors on va arriver à Air. Et quoi, et du coup, ton voyage à pied, tu dors dehors ? Parfois, ça m'arrive. Cette nuit, j'ai dormi dehors, oui. C'était... Parce que je voulais arriver dans un camping, et le camping était fermé suite aux inondations. Donc, il n'avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de lieu à m'offrir. Donc, j'ai été dormir sous un pont. Et c'était bien, voilà, je dors dehors. Mais des fois, je dors... Là, je vais dormir à Air à Gimont, chez un ami d'une amie. On m'a donné son numéro de téléphone, j'ai téléphoné, il dit « Oui, oui, tu peux venir ce soir, ben voilà. » T'attends, quoi. Ils m'attendent ce soir, donc ça c'est bien. Du coup, je vais pouvoir prendre une douche par exemple, ce qui est pas mal quand tu joues dehors. Et quoi, et sur tout ton trajet comme ça, t'as des gens qui t'attendent ? J'en ai quelques-uns, mais ça va durer 3 mois, donc pour le moment j'en ai trouvé 5, 10 peut-être. Donc j'ai pas encore tout, mais de jour après jour, j'essaye de trouver, et si je trouve pas, de temps en temps, un camping ou une auberge. Il y a un moment où je suis aussi les chemins de Saint-Jacques, donc j'imagine qu'il y a des relais, des endroits où je peux trouver aussi un endroit pour dormir pour pas cher. Oui, tu vas pas chaque fois dormir chez des gens qui te connaissent, quoi, c'est ça ? Ou des gens de copains, de machin ? Je vais m'éloigner de plus en plus de la Belgique, donc je vais trouver moins facilement tout ça. Mais, je sais pas, j'essaie de calculer 2 jours à l'avance. Allez, 2 jours à l'avance, c'est bien. Pas être trop dans la prévoyance, je vais pas prévoir où je vais dormir le 25 septembre, on est que le 6 août. Ouais, puis enfin, moi j'imagine à ta place, ça doit être cool aussi d'être un peu hors du monde tout en étant dedans, tu vois, en dormant dans sa tente. Alors c'est vrai que le temps, il y a moyen de trouver peut-être des petits abris, où je vois, il y avait des cabanes des fois là. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Un bivouac de temps en temps, c'est bien, j'aime bien. Mais quoi, t'as aussi une, comment ça s'appelle, t'as un petit, comment, un iPad ? Comment tu fais pour recharger les trucs ? Bah ouais, chez les gens. Ah oui, non, oui, je peux recharger quand je fais un relais. Quand j'arrive quelque part, je peux recharger. C'est pas très poétique, ça, hein, Timothéo ? Je sais, ça pourrait être une carte, mais pour faire 900 km, j'ai calculé qu'il me faudrait à peu près 90 cartes. Mais non, arrête. Les cartes routières, les cartes IGN, elles font 10 km de large à peu près, tu vois, tu fais pour retrouver les petits sentiers et tout ça. Donc le système que j'ai trouvé, en effet, sur ma tablette, c'est quand même pas mal. Je profite de ce progrès-là. La tablette me sert pour répondre à mes emails, répondre au téléphone et faire et regarder ma carte. J'adore. T'as ton bureau en route, quoi. T'as ton bureau mobile, quoi. Voilà. Un minimum, ouais, en effet. Ouais. Oui, bah oui, j'essaie d'avoir un minimum, mais j'ai pas pris mon gros ordi, j'ai... Oui, mais t'es pas déconnecté, en fait. Alors, est-ce que je suis connecté ou déconnecté, j'en sais rien, parce que je réponds à mes emails tous les 2-3 jours. Je réponds au téléphone, ça c'est facile, le téléphone. Et je n'ai pas besoin, absolument pas, ni de Facebook, ni de Google. Hein, je veux dire, Là, en l'occurrence, t'en as besoin pour trouver ton chemin. Non, c'est pas Google et c'est pas Facebook, c'est Maps.me, voilà, c'est le programme que j'utilise et ma position localisée, ça c'est vrai. C'est rigolo quand même. Hein. J'utilise comme un outil. En fait, j'utilise comme un outil, c'est tout simple. Comme tu as une bêche ou comme tu as une foreuse, tu l'utilises comme un outil. Ce qui m'emmerde avec ces outils-là et leur surutilisation, c'est qu'en permanence, tu as ces machines qui te disent « Hey, vous m'avez plus utilisé depuis hier. Hey, il faudrait recommencer. Hein. Hey, vous n'avez pas donné de nouvelles à vos amis. Hey, les gars, c'est comme si tu passais à côté de ta bêche et qu'elle te disait toutes les 10 minutes « Hey, t'as pas tourné ton jardin. Hey, hey, il faut que tu m'utilises. Hein. Hey, hey, hey. » Ça me fait chier. Et donc, si tu réussis à utiliser, que ce soit Facebook ou Google, comme un outil, en te disant « Ah, j'en ai besoin, là je l'utilise, et puis je coupe », je trouve ça raisonnable. Moi, je suis pas contre. Hein. C'est des beaux progrès, en effet. Tu trouves ? Oui, c'est des beaux progrès, sans blague. Ouais, mais la matière dont... De nouveau, on rentre dans un sujet compliqué, parce que... Les ordis, les produits pour faire un ordinateur, pour ton téléphone, tu vois, pendant que nous, on marche tranquillement, les autres cassent des cailloux pour que nous puissions avoir tous ces outils à la con, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais c'est, fin, c'est limité. Je veux dire, je ne vais pas changer de GSM parce que mon GSM n'est plus à la mode. Je change quand il est pété, foutu, je garde un GSM pendant 5 ans plutôt que 2. Normalement, la vie normale d'un GSM, c'est 2 ans. Tu peux le tirer jusqu'à 5 ans. Tu fais déjà un effort, tu fais déjà quelque chose qui limite les dégâts, quoi. Ouais. De toute façon, moi aussi, je suis dans ce monde, mais... Ah oui, on fait partie. Mais je suis pour, si demain, on dit on arrête tout. Hein. Je suis pour retrouver la marche. Et tant que les gens de l'autre côté du monde devront casser des cailloux pour que nous... puissions vivre légèrement, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, tu vois, même en achetant un téléphone le moins possible. Oui, tu vois, mais c'est comment changer cette donne-là, tu vois. C'est comment changer cette donne-là. C'est énorme. Il faut attendre l'écroulement, je crois. Je ne sais pas s'il faut donner un coup de main ou s'il faut attendre que ça s'écroule tout seul, je ne sais pas bien. On va vers un mur terrible. On va voir. J'ai surtout peur pour mes petits-enfants. Parce que moi, ça va, je serai parti d'ici 30 ans, mais eux, ils vont continuer à vivre. là, je sais pas comment ça va aller. T'entends le grincement de la théière derrière? Ouais, ouais. Et quoi, tu vas amener le cadeau alors? Oui. Et on peut savoir ce que c'est? Ah, j'espère qu'ils écouteront pas l'émission radio. Ah, ça va rester quand même, hein, si jamais ça va rester là. C'est des petits jouets basés sur des aimants qui sont chouettes. Deux petits aimants qui s'approchent l'un à l'autre, qui font qu'une petite madame danse sur un accordéon. Voilà. Ou bien deux petits aimants qui font un petit jeu, deux petits jouets comme ça avec des aimants qui tiennent au fond de mon sac, qui ne s'abîment pas et qui sont assez magiques sans passer par ni électronique ni tous ces machins-là. Mmh. C'est juste un petit truc magique. Mmh. Eh ben voilà, hein. On pourrait dire qu'on arrive, en tout cas moi, à la fin de... T'accompagner ? On arrive en haut de la vallée. Quand je descendrai, je serai sur la Meuse de l'autre côté. Voilà, ici, on voit que le terrain va commencer à descendre. Ça descendra sur la vallée de la Meuse. Uh-huh. Et puis j'y vais. Et puis demain la France. J'y vais, il paraît que c'est beau. Hein. En tout cas, c'est toute cette vallée-là. Oui, c'est vrai. Cette rencontre a eu lieu juste avant que je passe en France. Un peu contrebandier, là. T'as envie de dire quoi, surtout parce que c'est vrai qu'on a abordé des fois des sujets un peu plus profonds, mais en même temps très vite aussi. Qu'est-ce que t'as envie de dire sur toute cette discussion, sur tout ça au fond, sur cette marche, sur ces petits sujets abordés, enfin ces petits sujets quand même, ces grands sujets, mais abordés un peu à la va-vite quand même. Hein. Ça va, ça t'a pas trop ennuyé ça de... C'est des sujets qui me passionnent, donc ça c'est bien. Mais je ne sais pas très bien comment conclure, quoi dire, j'en sais rien. Sinon que aimer, c'est la seule solution. Et normalement toutes les religions le disent et toutes les philosophies le disent. C'est par là qu'il faut passer pour continuer à aller plus loin, quoi. Donner de l'espoir, aimer. C'est tout ce que je peux dire. Pourvu que ça tienne. Qu'est-ce qui tienne? L'amour entre les gens. C'est dangereux, hein. Enfin, on est dans une situation dangereuse, c'est ça que je veux dire. Bonne chance à tous. Je vous aime. Ouais. Il y a un grand barbu qui disait ça à un moment. Aimez-vous les uns les autres. C'est comme il a fini. Attends, parce que les barbus, j'en vois plusieurs, moi. Je vois pas vraiment de... De qui je parle en disant... Ouais, ouais. Il y en a... Ah oui, c'est Jésus, ça. Oui, celui-là, oui. Non, pas Darwin, pas Tolstoï. Les autres barbus. Marx. Pas Marx non plus. Donc que Marx était pas mal non plus, hein, dans son idée de dénoncer le capital et de dire arrêtez, les gars, on va se faire mal. Tiens, il y a un siècle et demi qui disait ça, lui. Bon, on va s'arrêter là, on peut conclure un peu, mais on est reparti pour des débats, c'est trop passionnant, j'adore. Non, mais de toute façon, c'est pas une conclusion, hein. c'est parce qu'on est obligé de dire, on s'arrête, on te retrouve plus tard, quoi, voilà, on te retrouve plus tard, je sais pas comment, mais moi, je te souhaite bonne route, On me croise physiquement, là où je suis, il y a Facebook, il y a le blog, Timothée Ossergov, il y a tous ces machins-là. Mais se croiser physiquement, ce serait le mieux, hein, qu'on se voit pour du vrai. Dans 3 mois. Ouais. Par ici. Quand je serai de retour en Belgique. Ouais, dans 3 mois, oui. Avec plaisir. Okay. Merci, hein, Timothée. Merci à vous.